Bon, fait que les gars, cheers. Hey, cheers. Cheers. Cheers. Premier enregistrement dans les locaux. Yeah. Nice. Je me sens comme à l'émission de Christiane Charest, là, avec les lumières, là, en face. T'sais, non, mais tu sais que c'est ça qu'ils sont assis, là, les deux. Là. C'est ce que je veux dire. Là. Je connais pas Christiane Charest. Ben... Donc, en direct des studios de l'Agence de création éphémère, vous écoutez l'épisode 41 du Geek Collectif, le podcast et la plug sans aucune honte. Mais c'est correct, t'as le droit. C'est correct, mais ouais, mais on est chez nous, c'est ça. Exactement. On en profite un peu. Fait que ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'on a un beau studio, on a un bel endroit, l'éclairage, le kit. Puis on peut pas le partager avec vous autres parce qu'on n'a pas l'Internet encore. Ouais. C'est correct, on va prendre des photos avec les iPhones, ça va être beau. Ouais, on va prendre des belles photos d'iPhone, tout va être top-notch. Puis on a essayé de streamer pour des braves gens avec un upload de cellulaire. Ça a l'air que Twitch puis les cellulaires, ça marche pas. C'est hein? pas recommandé, non. Mais je sais pas comment Google plus YouTube Hangout Twitch, si la transaction en passe, ils vont faire. Elle va passer, pour, c'est sûr. Tu vas-tu pouvoir Twitcher en utilisant ton téléphone Google plus YouTube Hangout? Mais ou... par la transaction, vous parlez de celle de Google qui achète peut-être Twitch éventuellement. Là. Oui, ben, c'est ça. OK, c'est ça. OK, juste pour être sûr. Celle qui rendrait l'intégration de Twitch, YouTube Hangout, Google plus. Exact. C'est non, obligatoire. Qui la rendrait obligatoire. Sans le savoir, automatiquement, dès que tu as un Google Plus, tu vas avoir un Twitch. Ça veut dire. C'est ça. Ben, c'est, dans le fond, tu veux être sur Twitch, il faut que tu aies Google Plus. Tu n'auras plus le choix. OK. Si tu pas d'Android, tu pars avec moins 15. Fait que si je me fie à ça et mes expériences du passé, je sais pas si tu voulais aller là tout de suite, mais quand il y a eu l'intégration de YouTube et de Google Plus, moi, j'avais déjà eu des problèmes dans le temps avec YouTube, avec un certain vieux email que j'utilise depuis longtemps à cause de niaiseries de droits d'auteur. Là. Tu parles des... Skanky Slutty Milter 69 at Hotmail. Genre, là, non, mais tu sais, c'était des affaires de droits d'auteur là, que t'as pas le droit de mettre ton dans ton email, t'avais des copyrights? Non, dans mon YouTube, okay. Mais il était attitré à un certain email. Fait que là... Okay. Mauvaise expérience de Google Plus à Milter. Ben... En gros, quand que Google a mergé avec YouTube, ouais. Ben, il a acheté YouTube. Moi, j'avais un email que j'utilise depuis longtemps, que tous mes comptes étaient associés, nanana. Mon YouTube, ben, mon premier YouTube, si on peut dire, mon premier channel, il était à cet email-là. Okay. Mon fun dans le temps, ben, c'était copier des shows de TV, tu sais, au début de YouTube, là, quand c'était louche, si on peut dire. Là. L'autre YouTube. L'autre YouTube au début. Fait que, tu sais, moi, j'avais des bouts de choses qui de TV. Fait que je me faisais flaguer pour droit d'auteur de temps en temps. Puis il y a d'autres affaires qui passaient bien comme faut. Fait que je prenais des risques. Mais à un moment donné, ben, mes 3 strikes, puis je m'ai fait flaguer mon premier YouTube. Pff, no big deal, je m'en ai fait un nouveau. That's it. Quand Google a décidé de « Hey, fais un compte », ben moi, ben, j'ai rentré mon email. Je m'ai dit « Je vais prendre mon classique email que j'utilise tout le temps. » Celle que mon premier YouTube avait été flagué. Fait que là, quand j'ai linké ça, puis j'ai dit « Hey, ça, c'est mon YouTube, puis ça, c'est mon nouveau, comme. » Puis là, quand j'ai linké mon vieux email à Google, ben, ils ont fait comme « Wow, wow, wow, c'est toi le gars qu'on a déjà flagué, genre? » Ben, fuck you, on te barre tous tes comptes que tu viens de mettre là. Fait que là, j'étais comme « What the fuck? Pourquoi tu me fais ça, Google, genre, là? » C'était brillant, dans le fond, leur move. Ben non, mais ça m'a juste fait chier comme... Pas le dire, là. Il est comme « brilliant ». Ça m'a tout fucké mes affaires de pourquoi que sur un compte j'ai été flagué, que là, ça me flague un nouveau compte Nowhere qui a pas eu de strike, qui respecte les règlements puis qui a compris. Mais est-ce que tu penses que toi, comme personne, tu mérites de pas avoir eu les strikes? Au début, peut-être les premiers, mais parce que c'est vrai que c'était des droits d'auteur, mais on ne savait pas si ça passait ouais, non, ou non, comprends. C'est ça que je veux dire. Fait que j'ai mérite, c'est bien beau pour ça, mais d'associer mon nouveau compte qui fait « Ok, j'ai compris vos règlements, j'ai respect avec mon nouveau compte », ce qui veut dire vous associez tout ça ensemble. Fait que là, en gros, moi, mon Twitch, là, il est peut-être fait avec mon… Ok, comme de fait, non, il ne l'est pas, je pense qu'il était avec un autre email, là. Mais t'en as combien d'emails? 7-8, si. Viens pas me faire croire que t'en as rien que deux, là, genre. Moi, là, sérieux, là, mais... j'en ai deux. Moi, honnêtement, là, j'avais un Hotmail qui est devenu un Gmail. Mais mon Hotmail, il est encore Hotmail. J'ai il est celui de la job. Puis ben moi, j'ai pas eu le choix pour m'en faire un pour un autre YouTube. C'est ça que je veux dire, tu sais, puis des affaires de même. Là, fait qu'à un moment donné, tu What's le fais. Next, ils vont suivre ton IP puis ton ADN, ben, puis ils vont savoir où que t'es. Mais tu sais, c'est juste ça qui est con. Fait que là, Where's c'est genre... Where's that fucking Milter? 10 ans plus tard, là, je vais faire un... Je vais relier... sans le vouloir, là, ils vont juste pogner. Ah, c'est toi, c'est ton Twitch. Comme, boum, on l'a acheté, on le relie ensemble, on te barre. Fuck you! C'est comme... C'est ça que je trouve con. Fait qu'il y a 8 petits d'oiseaux morts, là. Il y a 8 gars à Terrebonne qui vont être tristes depuis voir le game de Modern Warfare. Puis... Non, mais tu sais, tu catches pareil, là. Ah ouais, non, et puis je n'avais 11 viewers tantôt sur mon channel. Moi, je t'ai pogné cet après-midi pendant que j'étais sur mon heure de dîner à job. Je jouais à Super Time 4 ouais, sur Xbox One. C'est mon sujet de la semaine, justement. Ben, c'était un petit segway ouais, subtil ouais. que t'es, j'ai t'es fait. T'es rendu bon, là. Je m'en viens pas pire. T'es pas pire, pas pire. Mais Super Time 4, ça mange quoi en hiver, ça? Ça mange quoi? Je ne sais pas que ça mange parce que je pense que le monde sur l'acide mange pas beaucoup. J'ai pas gros d'expérience là-dessus, mais il me semble que ce monde-là, ça l'appétit, leur coupe ouais, l'appétit. Y a pas de munchies là-dessus. T'es en train de dire que c'est. Super Time Force, là, c'est contre sur l'acide. Mélangé avec l'élément du sable du temps de Prince of Persia. Ou là, Braid. Ou Braid aussi, mais j'ai Source pas joué Code. À Braid, fait que je veux pas le dire. Source Code, je catch aucunement qu'est-ce que tu veux dire par ça. T'as jamais vu le film Source Code? Ben, c'est pour ça non. le film avec le prince dans Prince of Persia. Mais, ouais, mais je l'ai pas vu. C'est parce que c'est parce qu'il est toujours en train de refaire la même section, mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'aide de lui ou l'autre image des amis, des choses fait comme ça. Ben, quand oui, il est pas en train de se faire enculer par un cowboy, il est en train de faire la même scène over and over again over. Dans tous ses films. Imagine, imagine ben, c'est ça, ça le jeu. Il va se faire enculer par un cowboy ben, juste avec le plus grand respect sur possible. Sur repeat, parce que tu là. Peux reculer en plus. Non, ça c'est dans Super Time Force, pas dans. Oh. Mais en tout cas, non, mais dans Super Time Force, c'est contre en 8 bits tribute, genre, si on peut dire, encore, tu sais, sont plus gros, mais plus 8 bits cartoon, si on peut dire, là. Mais c'est très, là, old school graphique. Il y a un humour douteux. J'adore ça. Juste pour ça, là, m'a parlé de l'histoire, ben vite, avant de parler du jeu, tu vas voir, là. Okay. Toutes les missions, ça, je trouve ça écœurant. Toute l'émission commence, tu sais, tu vois le nom de la place, tu sais, la ville, exemple, puis l'heure, ouais. C'est tout le temps à 4h21. OK, juste une minute après que le après le 420 classique. Fait que tu sais, c'est juste pour dire comme ta gang, ils viennent en fumer un dans le vaisseau puis ils descendent, tu sais, la joke classique con. C'est un stoner pis, joke. Ben, c'est un stoner joke qui est là, qui est drôle. Qu'est-ce qui est con aussi, c'est l'histoire en gros, là, t'es une gang de douches. Okay. Tu sais, d'habitude, t'es le good guy, là, pis tout, là. Mais là, tu joues la gang d'hosties d'épais. Excusez le terme, là, mais c'est une genre de gang qui ont eu le pouvoir, par un caporal bâtard, de voyager dans le temps. Puis eux autres sont très, très, très au courant du butterfly effect, si on peut dire, que okay. Si tu vas dans le passé, tu tues une mini-bébite de dinosaure, genre une mini-libellule dans le passé... Ben, ça risque de changer tout l'avenir. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent genre, me semble que ça serait cool qu'aujourd'hui, il y ait un mix de dinosaures pis d'humains dans nos villes, écœurants, là. On pourrait aller à l'école avec des dinosaures, aller au cinéma. Fait qu'ils retournent dans le passé pis ils disent, on va aller péter la comète géante, l'astéroïde qui est venue faire le Big Bang pis tuer les dinosaures dans le temps. Tu sais, genre, pour que les dinosaures soient jamais disparus. Tu sais, genre de conneries de même, là, de jeu, puis... Ouais. C'est pas un film de Jerry Bruckheimer qui va sortir comme ça, en pas long, avec des kids, des voyages dans pas. Le temps. Godzilla, non. Non, je sais pas, je m'en rappelle pas du nom. Sais pas. Un film de Jerry Bruckheimer avec ouais, des gars qui voyagent dans le temps. Ah, ils ont-tu des nez? Ils ont des nez. Parce que s'ils ont des nez, c'est pas bon. Là, mais c'est un prouvé. Peu ça, là, les kids, ils découvrent le voyage dans le temps, puis à la Palooza 98, des choses comme ça. Il y a pas un film avec une montre et un BMX dans les années début 2000. Le gars, il y avait une montre qui revenait dans le temps. Ah, c'était pas comme The Clockwork. Les aventuriers du temps perdu. Le soundtrack, il y avait du Offspring, puis finalement, c'était pas bon. Non, c'était... comme tous les films de le film, là, pas le soundtrack, ben malgré que... Mais okay, fait pour revenir à Cyberpunk... Non, mais tu sais, c'est juste le genre de prémisse de jeu, de un peu de douchebag, de « Yeah, on s'en va fucker le passé pour notre plaisir personnel de revenir ici, puis comme faire « Ah, oh, c'est cool, il y a des dinosaures. » Tu sais, après la mission, même, ils disent « Ah, c'est cool, il y a des dinosaures. OK, oui, il y a plus de carnage de temps en temps. Il y a du trafic quand ils viennent chier des tas dans la rue, tu sais. Mais sinon, c'est cool, là, tu sais. C'est comme... c'est totalement stupide. Fait que ça se prend au sérieux, ce jeu-là. Oh, ouais, c'est ça, c'est ridicule. Puis il y a plein de tributes old school, là, comme je dis, là, de 8 bits, là, type d'affaires la même. Puis le jeu, qu'est-ce qui est fucké avec le temps? T'as à peu près une minute par tableau à faire. Mais techniquement, ça te prend bien plus qu'une minute à faire le tableau one-shot. Qu'est-ce que tu fais, c'est que t'avances, tu fais ton tableau bien normal, comme un jeu de contrat, exemple, mais tu payes sur un piton, puis tu peux reculer dans le temps, dans le tableau, choisir un autre bonhomme, puis là, ton autre bonhomme puis ton nouveau bonhomme sont là en même temps, fait que le bout que tu viens de faire, il se refait. Tous les bonhommes que t'as tués, ils se font retuer par ton premier gars, mais là, toi, tu te concentres, admettons, à tuer les autres que t'as manqué avec ton deuxième. Puis si tu veux, tu peux encore revenir dans le temps puis en prendre un troisième qui fait juste rien pour le fun. Tu sais, genre, là, tu peux faire ça quasiment à l'infini, si on peut dire. Sauf là. Avec quatre gars. Non, t'as cinq gars, six gars en tout. Tu commences avec trois puis t'en délivres d'autres dans les tableaux. Okay. Puis ils ont tous des skills différents. Mais en retournant dans le temps, tu peux faire ça avec... je pense que t'as jusqu'à 30 bonhommes en même temps que tu peux mettre. Ça devient compliqué à gérer dans ton écran quand tout le monde est en vie puis que ça tire de partout, sérieux. Là. Fait que Prince of Persia / Lost Vikings mélangé avec... Ben, Contra, c'est le bon exemple. Ben, je dirais même Ninja Gaiden 1 ou Super Nintendo. Ouais. Y a-tu les cris d'oiseaux? Ben, ouais, y a des oiseaux. Les hosties d'oiseaux de Ninja Gaiden. Mais la chose... C'est le genre de même. Ah, y a plein de tributes. C'est vraiment... Y a des turrettes, y a des soldats bleus... Tu sais, il y a des crabes en coquille. Oh, oui, carrément. Là. Genre de joke au début qui partent justement. Il dit, OK, là, on sait pas pourquoi. Ils s'appellent des Blue and Bots. OK. Puis ils sont tous comme, oh, pourquoi ils s'appellent de même? Genre, il y a personne qui a aucune idée. Puis c'est comme le gros mystère qui entoure les méchants du jeu. Puis c'est passé des robots bleus. Fait que c'est juste des Blue and Bots, tu sais, des bleu et non, c'est deep, ça, quand même. Mais c'est ça, puis sauf qu'eux autres, il n'y en a pas un épais dans la gang qui comprend, là, puis c'est la grosse interrogation, puis tout le long, t'es comme, OK, c'est son épais. Ça coûte combien, cette histoire-là? 15$. C'est le même prix que Child of Light. Tu sais, fait que donner un exemple. Super Time Force. Ou Child of Light, c'est... J'ai pas joué à Child of Light, fait que je vais pas vraiment rien dire dessus. Je vais être franc avec toi, j'étais super hype pour le jeu. Pas à cause de la trame sonore de Cœur de Pirate, mais à cause de... Le jeu avait l'air d'un platformer super cool. C'est pas ça pas en tout. Mais finalement, on dirait que deux jours avant que le jeu y sort, ils ont décidé de dire que... Ah oui, c'est un platformer, mais quand que tu sautes... Tu sais, pas comme Mario, là, que tu sautes sur la tête, il meurt, là. C'est genre... dès que tu vas sur l'ennemi, mais t'as un combat RPG. Fait qu'il y en a qui ont trippé ben raide. Moi, pas que j'aime pas le côté RPG. C'est juste que ça me tentait pas à ce moment-là de jouer à un autre jeu RPG, surtout que ça fait pas trop longtemps que j'ai fait South Park, là, qui était très bon aussi. Qui était excellent. Ça me tentait juste pas le côté RPG pour l'instant. Là. Fait que Super Time Force, Xbox One uniquement ou. Ouais, Xbox One. Ah, il est 360 aussi, je l'ai pas vu 360. Peux-tu jouer sur ton 360 en multiplayer avec du monde d'Xbox One? Tu peux pas jouer multiplayer pendant tout. God, au jeu. 15$? Ouais. Okay. Moi, quelque chose aussi que je voulais dire qui est cool, c'est con à dire, mais quand tu finis le jeu, pas le jeu, mais quand tu finis un tableau, il te le remonte comme un replay, puis super facilement, tu payes juste Y, bang, il te le record one shot, fait que tu sais, tu l'as pour ton t'es upload. T'es pas obligé de dire Xbox record. Exactement, là, ça se fait tout seul, one touch of a button, fait que le monde qui aime pas parler, hein, c'est super facile. Puis, qu'est-ce que ça te fait, la vidéo, c'est que ça te montre le tableau one shot, comme si t'es jamais mort, comme si t'es jamais retourné dans le passé. Mais à chaque fois que tu meurs, ton bonhomme, il fait rien que continuer de vivre, puis il se transforme en l'autre. Puis des fois que tu vois dans ton écran, t'as les 8-9 bonhommes, puis c'était carré. En tout cas, le jeu, il profite de toutes les options du Xbox. Fait que dans le fond, on check ça. Oh, puis on check on ça. Si vous aimez les classiques NES Game, shmup un peu, Contra, Sérieux, Rick va le chercher. Ouais, ouais, non. Je le gosse depuis une semaine. Là. Je le sais qu'il est pauvre, c'est un site. Là, mais... Toi, Rick, sinon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Ben, pas grand-chose. Juste plus des nouvelles que j'aime apporter. Je sais que les gens, comme s'ils me suivent ou ils me connaissent, ils savent que j'adore vraiment Sony puis PlayStation. C'est vraiment ma marque. À cause du prix puis à cause que c'est plus puissant, c'est vraiment la console la plus performante. Mais Microsoft, ils ont annoncé quelque chose de cool avec les Games with Gold que je trouve c'est assez intéressant quand même. Où ce que maintenant, on va l'avoir sur Xbox One. OK. Puis sur Xbox One, c'est quand même cool parce que tu vas avoir deux jeux gratuits par mois. Puis un détail que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils ont enlevé le paywall pour Netflix puis des choses comme ça. Hulu puis tout le kit. Ouais, fait que je trouve que c'est des très bons moves. Fait que finalement, ça arrive un petit peu on par avec Sony. Sony, c'est toujours la meilleure compagnie au monde à cause de la résolution. Quand tu veux dire le paywall, tu parles... Faut que t'aies Xbox Live. Que t'as pas obligé d'avoir Xbox Gold pour avoir accès à ton Netflix. Comme la console supérieure PlayStation, mais là, ça se rattrape un peu. Là. Ça, je suis bien content avec ça. Moi, ça m'excite. Mais ça, c'est une petite nouvelle. Là. J'ai trouvé ça cool. Ben, j'ai hâte d'avoir les c'est jeux. C'est en juin, ça commence. Parce que j'ai vu les deux premiers jeux. Puis il va y avoir trois jeux au Xbox. Puis pour ceux qui n'aiment pas aussi la voix, puis qui n'aiment pas contrôler leur console de façon next-gen, ben, tu peux le faire maintenant parce qu'ils vont la vendre sans Kinect. Ouais. Mais c'est ça. Ils ont tellement compris que c'était la meilleure manière, là, Microsoft. Là. Je suis bien content pour eux là-dessus. Mais, excuse, trois jeux Xbox, de quoi tu parles? Il va y avoir trois jeux 360, deux jeux Xbox One. OK, mais 360, OK. Ben dans les jeux gratuits, je veux dire. Ben, j'ai vu Xbox One, ça va être Halo Spartan Assault, un des premiers. Puis le genre de... J'ai oublié le titre de Zach, whatever, le platformer avec la caméra Kinect. Ça va faire dur pour les gens qui ont la console à 399 parce qu'il y a des éléments Kinect assez intenses de ce petit jeu de plateforme-là. Je pense pour ça qu'ils le donnent en premier parce que la plupart du monde qui vont le prendre, ça va être le monde déjà la console. Si tu joues avec la nouvelle console, pas de Kinect, tu développes le achievement Disappoint. Ben, c'est que, ça serait clair. Hein. Puis ça t'embarque dans une convulsion de commencer à écrire Microsoft avec un S de dollar sign. Fait que quand tu fais ça, tu sais, c'est normal. Ben, le monde va aller chercher une coupe de... Mais mis à part ça, j'étais allé voir aussi finalement Spider-Man 2, The Amazing cool. Spider-Man 2. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu. Non, ici. J'ai hâte de le voir, moi, mais... Okay, toi, j'ai pas vu encore, moi, non plus. Oh, je fais pas de spoiler. Je suis pas là pour dire qu'il y a des spoilers. Ça me dérange pas. Mais ben aussi, je sais pas si les gens veulent l'entendre, les spoilers, ou s'ils l'ont vu. Ou... Hey, en tout cas, je trouve que... Je sais pas, mais je vais faire un parallèle fucked up, là, puis soyez pas insultés. Mais je trouve sincèrement que ça recommence à reprocher à Spider-Man. Pour Spider-Man, c'est comme les Batman de Schumacher. Je sais pas si tu me suis un peu. Okay, fait que Spider-Man est rendu le copilote de quelqu'un? Non, c'est plus l'idée... y a-tu des nipples sur son suit? C'est pas loin. Tout ce qui est Spider-Man, tout ce qui est Spider-Man, comme scène d'action Spider-Man, Spider-Man qui tente de sauver des gens, Spider-Man qui fait le web, qui se bat contre des criminels, pour moi... C'est the best Spider-Man que tu peux avoir. J'aime l'attitude à Spider-Man dans cette franchise-là. Moi, je suis resté stické quand t'as dit Spider-Man qui fait le web. Je l'imagine en train de designer un site devant son ordi. Genre, c'est mais il y a des montages comme ça, justement. C'est des montages, pas faire de spoiler, mais dans The Amazing Spider-Man, t'as c'est pas génétique là, qui sort de la peau. Là. C'est comme une machine. Ouais. C'est sa machine. Il doit tout redesigner ça pour se battre contre Dubstep Electro. Il se fait du Dubstep Electro. Il se met du fluide spécial anti-électrique. Genre. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis oui, Dubstep Electro. Quand tu vas voir le film, tu vas comprendre. C'est quoi, il y a l'équivalent du Dubstep Gun dans Saints Row. Tu le vois, c'est Skrillex qui joue. Genre. Quasiment. Toutes les attaques d'Electro, là, ça a des genres de build-up. Puis. Mais j'ai viens de me vendre le film, là. T'es au courant, là. Je peux plus. Non, mais je te dis, c'est spoiler. Spoiler alert, achète un billet live. Mais, ouais, c'est ça. J'ai bien aimé le film, mais le parallèle 500 Days of Gwen and Peter, là, c'est vraiment ça avec. C'est très campy, c'est très. C'est très. Je sais comprends-tu qu'est-ce qu'il dit, toi? Parce que moi, très campy. Quand je dis campy, là, campy, ouais. c'est Batman de Schumacher. C'est Batman. C'est un peu borderline kéten. OK, parce que moi, campy, je pensais que c'est. Non, c'est très kéten. Okay. Très kéten. Puis je comprends pas. Je sais que toi, j'ai des questions pour le pro du Spider-Man puis de comics. J'aime les comics, mais je suis pas comme passionné comique, mais j'aime les comics. J'espère pouvoir te répondre. Le Green Goblin, parce que moi j'ai toujours été de l'impression que Green Goblin c'était monsieur principal. Osborn, mais le boss. Puis il y a son fils. Puis après ça, il y a son fils, right? Parce que là-dedans, la manière qu'ils ont fait le Goblin, comme ils ont fait le Goblin être genre une maladie héréditaire, qui le fait devenir comme tout weird avec des ongles et la peau verte. Je sais pas si... Comme je sais les, pas, c'est parce c'est que le père il fait juste mourir puis il devient c'est pas. C'est comme un... les versions qui changent. Là, ah, mais tu sais, dis-toi, dans les années 90, le Goblin il prenait ses super pouvoirs après avoir fait l'amour avec un singe en Afrique. Ben, c'est ça. C'était sérieux. Ben, c'est peut-être fin 80, par exemple. Quoi? C'est quoi? Explique ça. Faut que tu l'expliques. Moi, tu me. La référence me passait par là. Ok, excuse-moi. C'est parce que la croyance populaire du monde qui était totalement inculte dans les années 80, c'était que les origines du sida venaient de quelqu'un qui avait fourré qu'un singe en Afrique. Ok, fuck, tu sais, c'est comme. Moi, j'étais allé deep dans les références culturelles wrong. Moi, j'essayais de faire le lien de la maladie héréditaire qui te fait devenir vert, puis le sida, je l'ai pas vu, ça, mais mes chapeaux. C'est bon? Parce que pas vu venir. En fait, probablement personne l'a vu venir. À part le singe. À part les emails de plaintes qu'on va recevoir. S'il y a bien quelqu'un qui l'a pas vu venir, c'est le singe. Mais. En tout cas. En tout cas, quand je dis campy, je veux dire c'est quétaine. Mais c'est les versions, tu sais, c'est comme le monde qui dit tout. Hein, Gwen, il sort pas avec Mary Jane. Non, hein, Gwen, je comprends le. Non, mais je comprends Gwen dans l'histoire. Ouais. Je la comprends. Et même dans les autres films, et dans les autres films aussi, là, tu la vois dans Spider-Man 2, elle est là comme la comme fils du, c'est la fille du policeman. Fait que pour toi, c'est, tout ça, c'est cool. Mais comme je te dis, pour en venir un peu, les séquences Spider-Man malade. Mais Stick, c'est quétaine. Puis l'histoire, Peter, Gwen, je trouve que ça colle pas. Ça. Je sais pas comment l'expliquer. Là. Ma femme a bien aimé ça. So, c'est le côté. Pour ça, je peux comprendre. Non, mais c'est l'appel à l'émotion. T'sais, ils ont besoin de faire ça dans les films. Mais ils ont besoin. Mais c'est justement, ils ont besoin de créer une émotion pour Gwen pour qu'est-ce qui arrive dans le film. Mais check ouais. Ben le 3, ils vont te mettre ça violent. Là. Comme ça, les femmes vont dire oh, il va. Ben c'est ça. Si c'était ça l'idée, c'est cool. Mais Rhino puis les Sinister Six, il y a vraiment un gros cocktease là-dessus. Ouais. Tu viens de faire un spoiler indirectement. Mais toi, encore. Non, mais il en parle partout là, pour les Sinister Six. Ça, okay. Ouais, le film est annoncé, mais c'est-tu Sony? C'est ça l'affaire qu'il faut ah, que tu dises. Ah, ça, c'est une remarque qu'il faut que je fasse en parce passant. Parce que si c'est Sony, ça sera pas le même Rhino puis ça sera pas le. T'sais. Une chose à dire, Spider-Man de Sony, le product placement de Sony, là, holy fuck, sont abusifs, ok? De un, son père des années 90 a un fucking Vio que je pense même pas existait. Juste à aller que tu, comme Sony everywhere, là, des téléphones cellulaires Sony, des télés Sony. Les, comme, fait que toute l'électronique dans le film arrête de marcher après 3 mois. Là. Ben, c'était pas fin ça. Comme je te dis, Sony c'est la meilleure compagnie au monde. Ils font les meilleures consoles dans l'histoire. Mais cela dit, il y a vraiment du product placement abusif là. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, on va l'écouter, Spider-Man 2. Là. Personnellement, ouais. J'aurais aimé Electro avec son saut de verre et son gros éclair dans le face. Electro, il était écœurant. Jamie Foxx, il est Jamie Foxx qui essaie de... Tu regardes le film. Là. Après Django, là, c'est weird de le voir faire le rôle qu'il est. Puis il est... Je sais pas, c'est comme... Trop... Il n'y a pas assez d'histoire sur le développement des méchants. On est habitué de voir les méchants se faire développer. Ouais. Puis dans celle-là, les méchants se font aucunement développer. Là, comme sont là... Il y a des petits rattachements. Mais il paraît que le meilleur bout, là, justement, là, de voyons, comment il s'appelle le gars qui fait Electro, là, de Jamie Foxx, le meilleur bout dans Spider-Man 2, il paraît, là, c'est quand il est dans le tunnel puis qu'il est schizophrène, mais tu sais que finalement, t'as le gars qui fait Iron Man qui découvre qu'il peut jouer du piano. Ouais. Puis c'est le meilleur bout c'est de Spider-Man. C'est une très bonne 2, scène, ça. Je pense pas que c'est le piano, en passant, c'est le violon ou le cello. Oui, c'est là. Ça, c'est du violon. RDG, le... Ouais, Robert Downey Jr. Okay, quand il découvre justement Jamie Foxx, tu sais qu'il est schizophrène, film, sans abri, mais tu sais que finalement il peut jouer du violon, jouer là, du cello. Qu'est-ce qu'il joue, man? Du cello. Ça c'est malade, c'est le meilleur bout de Spider-Man. C'est ça. Le meilleur bout. De... Ça puis après ça il drop le bass. Ouais. Ben c'est pour ça qu'il fait du dubstep. Tu sais, il devient fâché parce qu'il remarque que son violoncelle, il est peu à mode. Fait c'est un cello, c'est un violoncelle? C'est quoi je le pense terme que c'est de ça. Cello? Ouais, ça doit être ça, un cello, c'est un violoncelle. Un cello. Ouais, un cello. Pas un limoncello. C'est ça. Hein. Fait que Spider-Man 2. 500 Days of Gwen and Peter, go see it, là, cool. Drop the bass. Je suis allé au cinéma, moi, avec. J'ai hâte d'entendre. Je suis allé voir Godzilla. Oh. C'est là que je voulais aller voir. En fait, je suis allé voir Spider-Man à la place de Godzilla parce que je veux pas dire qu'on va des fois pour des double bills. Ouais. Mais il avait bloqué Godzilla pour les double bills non légitimes. Mais good, écoute, Godzilla, que dire de Godzilla? Gros lézard, fâché. Il est dans l'eau. Il est sur Terre. Des fois, il est couché, des fois, il est debout. Il respire en dessous de l'eau? Je sais pas s'il respire en dessous de l'eau. C'est une méchante. Moi, je pense. J'aime penser que Godzilla tient son souffle longtemps. Mais c'est okay. Comme un iguane mutant. Parce qu'il crache. Non, non, c'est Godzilla, OK? Ken Watanabe te le dit, c'est Godzilla, OK? Il crache du feu? Écoute, je peux pas faire un spoiler, Godzilla. Oh, écoute, ouais, c'est comme si je te disais, mettons, la queue de Godzilla allume puis il crache du feu laser. Parce qu'il y a des lasers des yeux, des fois. Tu sais, c'est tout au vieux, tu sais. Écoute, que dire de Godzilla? Wow! Moi, quand je voulais aller le voir, je me suis dit à ma femme, Julie, j'étais comme, au pire, il va y avoir un lézard qui pète du shit. Ouais, ouais. Mais tu sais, en fait, le meilleur moment de Godzilla pour moi, c'est les commentaires du monde sur Internet qui disent « Le méchant dans Godzilla avait pas de profondeur. » Mais c'est pas Godzilla le méchant. Ok, le méchant. Non, Godzilla, c'est Godzilla. Il est mal compris. Le méchant dans Godzilla. C'est juste un incompris. C'est donné okay. Une chance. C'est un spoiler de dire que Godzilla se bat contre un autre monstre dans ses films. Okay. C'est ce que j'allais te dire. Il y a un autre fucking monstre. Puis il y a du monde sur Internet. Il faisait dans le premier, ça. Il est sérieux. Il y a du monde sur Internet qui littéralement se sont levés un matin et ont dit écoute, j'ai une opinion que je désire partager avec la population. Ils ont pris le temps de s'asseoir devant leur ordi, l'allumer. Pitonner sur leur clavier en disant « Le méchant dans Godzilla n'a pas de profondeur. » C'est un fucking monstre. C'est pas Mothra. Tu tapes sa gueule. C'est-tu Mothra? Écoute, c'est-tu le papillon? Okay, attends, j'expliquerai pas le monstre. J'expliquerai pas le monstre. Parce qu'il en parle pas pantoute dans les trailers. Comme mais moi, c'est correct. Moi, je m'attendais que ça soit le mal compris Godzilla qui cherche un... Ben, peut-être que c'est ça, Eric. Peut-être que c'est pas il ça il va les aussi. Pondre au Madison Square Garden à un moment. C'est ça qui se passe habituellement, me semble, dans Godzilla. Non, mais le gars qui fait Inspecteur Gadget vient sauver le jour, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, ça finit sur une fondue au noir avec une tonne de Puff Daddy. Puis Jean Reno qui est triste. Ouais, mais Jean Reno, c'est comme le Ken Watanabe de la France. Okay, ben ils ont la même palette d'expression. Ils disent Godzilla avec le même accent. Godzilla. Ok, c'est wrong. Non, mais gars, ok, Godzilla, je vais faire ma vraie critique. Je suis allé le voir à 10h50 le soir. Je suis allé le voir avec Christian Plinzi. Okay. Puis à un moment donné, t'as Christian qui fait « Hey! » Là, je me suis réveillé et il dit « Man, tu viens de manquer, il crache du feu. » Tu niaises. Je tombe endormi dans le film. C'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est parce qu'à un moment donné, OK, il y a des acteurs pas crédibles, il y a des affaires, c'est bizarre. Yeah, c'est, au pire, il y a un dinosaure. C'est Godzilla, ben ouais, gars, t'aimes les buildings qui explosent et les gens qui se battent, vas-y. C'est du dialogue long, pour rien. Ben, c'est ça le problème. Ça. Ils ont essayé de te crisser des longueurs là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme ah le pourquoi du comment puis de la conscientisation. Gars, fuck off. J'ai écouté là, mon meilleur film de Godzilla à la vie. Là. Mais en fait, j'en ai deux. J'ai Godzilla contre Godzilla de l'espace. Ouais. Que lui, il était assez bas de cul. Là. Okay, il se battait, c'était quand même assez kékasse. Puis avec Godzilla 2000, la passe où t'as le Godzilla américain qui arrive avec du Sum 41, puis le Godzilla japonais, il crisse une rince puis s'arrête là. J'ai Godzilla vs King Kong, je te le passerai. Oh. Mais tu sais, ils ont fait une bonne job. C'est un bon Godzilla. Ça va à peine d'être vu au cinéma. C'est le fun. C'est le genre d'affaire que... Avec une crowd Fantasia, ce film-là aurait été malade. C'est ça, j'allais dire. Dans le fond, c'est les. En fait, les longueurs, non, parce qu'il est trop sérieux. Ben, c'est des longueurs de dialogue qui essayent de mettre de la pertinence au sujet, quand dans le fond, le monde, ils veulent juste voir un gros fucking monstre qui crache du feu puis qui pète des yells puis des buildings, là, tu sais. S'entend que le monde veut voir un combat de Power Ranger. Ben écoute, parlant de Power Rangers, c'est une autre de mes nouvelles. Oh, pour de vrai? Lionsgate ont confirmé qu'ils vont refaire un genre de reboot Power Ranger. Ça a été spoilé par Jason David Frank, qui est le Power Ranger Tommy, dans le fond. Reboot qui était le Green. En fait, ils repartent de Mighty Morphin, apparemment. Mais c'est pas confirmé non plus, mais ils font un reboot de Power Ranger. Mais moi, j'aime ça, rebooter Power Ranger, c'est original. Ça, apparemment, c'est plus dark. Ils vont y aller beaucoup plus... T'sais, ils vont mettre des nez au Power Ranger, fait que tout le monde va capoter. T'as ruiné ma jeunesse, fuck you, Saban. Okay, ben, là, je t'en crie, c'est un peu ce qui est Voltron. Là. Ouais. Ben, Voltron, ils ont fait un remake en dessin animé il n'y a pas longtemps. Ouais, je pense que c'était quoi? C'était Cartoon Network qui avait pris ça. C'est les droits d'auteur qui fuck tout encore. Voltron, c'est vraiment la même histoire que Goldorak, là, en ce moment? Ou... À peu près, là. Ouais, probablement, chier, honnêtement. Mais malgré que Cartoon Network ont payé cher pour avoir la licence de ça. Ouais, puis, mais c'est tout des en vrai. En... Puis tu m'ouvres une porte. Je me permets un dernier segue, mais il y a aussi. J'ai écouté Young Justice. Oh. Je suis stické là-dessus. Je viens de finir saison 1. Tu l'as tout écouté. J'ai tout écouté la saison 1. Là, faut que je commence la saison 2, Young Justice Invasion. Es-tu sur Netflix la 2 aussi? Non, malheureusement. Non, c'est ça, okay. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait juste une saison. J'ai hâte de pouvoir l'écouter la 2. C'est Young Justice, c'est bon. C'est un bon cartoon de DC qui m'a rappelé le fun que j'avais du Spider-Man des années 90. Tu sais, c'était pas trop kid, c'était pas trop dark. C'était quoi avec Tombstone là, dedans, puis le vampire Morbius, puis tout. Morbius, okay, okay. Toute la kit. Avec le gars d'Aerosmith qui faisait la toune thème à la guitare. Ouais. Toune bizarre, mais... C'était bien bizarre, c'était juste du shred. Ouais. Mais non, c'est ça, fait que Young Justice, c'était super bon, ça va à peine l'écouter. Puis c'est pour mon gars qui a 4 ans. Ça s'écoute. Le pire, c'est que... C'est stimulant visuellement. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de. Y a-tu beaucoup de dialogues longs ou c'est non, plus de. Non, c'est ça. Ben, il y a des dialogues pour rendre ça intéressant. Gars, j'ai 31 ans et j'ai été diverti. Mais okay. c'est pas Madhouse violent quand même. Là. Non, ouais. C'est pas super pas violent. Mais il y a de la profondeur quand même, il y a de la trahison. Parce que des peu, fois, il m'écoute puis il aime. Il y a 4 ans, là, c'est sûr. Là, mais quand il y a trop de texte, il comprend plus ou moins lui de la trahison. Là, que... Mais d'un autre côté, il mange ses crottes de nez aussi. Ah, ben, tu sais, c'est ça. Ça, il va trouver ça drôle. Pis c'est ça. Il aime ça quand il écoute les Lego Marvel, puis il capote parce qu'ils disent une phrase, ils sautent dans les airs, ils disent une autre phrase, c'est bien drôle, ils tombent en morceaux. T'sais. C'est le phénomène Lego aussi, nous, qu'on s'entend que c'est bien cool. Là. Mais c'est pas mal ça que c'est passé. Tu vas checker ça avec lui, par exemple. Young Justice, check-le, tu m'avais dit que tu avais des jouets en plus. Ouais, mon gars, il y a des jouets de type, il le savait même pas. Il le sait pas plus, c'est moi qui le sais, dans le fond. Fait que là, messieurs, on a quelque chose de bien sérieux à régler à soir. Là. Oh shit. Là, on est allé à Ottawa Comic Con. Ça fait 2 ans qu'on va là-bas. On a déjà fait Montreal Comic Con une couple de fois. Mais là, ça serait quoi la conférence ou la convention de rêve? Ça serait quoi, selon nous, le meilleur show possible qu'on peut aller voir? La meilleure conférence, la meilleure convention. Puis là, il va falloir éclaircir ça ce soir. Mais là, il y a des règles. Il va y avoir des catégories. Puis il va falloir qu'on débatte là-dessus. Tu sais, des débats comme vous aimez des débats, là? Ouais, on politique. Pas politique. Ah, okay. Pas politique. Politique, tu t'en vas dans le coin. Ça dépend. C'est peut-être règles. Une convention du PLQ là, ou du PQ. Ou ben, du, moi, je peux te dire que c'est, si c'est ça. Si là, c'est ça, mais son affaire de rêve, il a le droit. Il va manger de la merde un petit peu. Mais. OK, on va rester dans la thématique. Là, on va garder une thématique un peu geek, un peu... Nous connaissant, ça serait ça. Nous connaissant, ça serait ça, anyways. Mais moi, je veux savoir, premièrement, là, ça prendrait place où, une convention comme ça? Dans un centre de convention. Calvaire, toi, on t'a pris parce que t'es brillant, Eric. Man, je m'excuse, mais j'ai vu des conventions dans bien des places. Puis quand t'as un centre de convention qui est vraiment conçu pour ça, c'est pas pour rien qu'il existe. C'est perfect. Là. Moi, j'adore ça. Je dis ça de même. Ouais. À moins que vous autres voulez que ce soit dans un champ ou à une place spéciale. C'est sûr. Un gymnase dans d'école. Dans un champ, c'est moins cool. Là. Mais moi, j'aurais dit un... Puis là, quand que je dis ça, c'est dans le possible du possible que je peux m'y rendre. Tu sais, pas... Parce que c'est sûr que je dirais à côté de chez nous pour... C'est l'idéal dans le sens du transport, mais admettons que je peux aller n'importe où. Ben, un centre de convention, genre à Cuba, là, bon, serait cool. Là, on parle. Fait que là, okay, fait que le centre de convention, on veut à une place. Ben, tu sais, moi, je veux savoir la place, mettons. Dans un centre de convention, là, je vais pas prendre un. Fait que toi, tu dis cinéma, Cuba. Là, fait que toi, Cuba, ok. Mais centre de convention à Cuba. Okay, pourquoi à Cuba à cause des plages? Parce qu'il fait chaud, puis il fait beau, puis il bat open. Bon, ah, ok, fait que dans un... Là, c'est parce que tu élabores un peu. Là. Ben là, fait c'est toi qui m'as demandé d'élaborer. Non, mais un centre de convention dans un genre de Sands Resort, là. Non, il y aurait juste Bar Open dans la convention. Sandals. Ok, fait que Milter, c'est Cuba. Toi, Eric, Cuba. C'est un centre de convention, mais ça serait où exactement? Mais je veux pas être comme le gros fanboy local, là, mais est-ce que j'adore le centre de convention à Montréal? Ok, fait que Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, je trouve qu'il est écœurant. Il est très bien positionné. C'est vrai. Il est vraiment bien conçu. Puis il est récent aussi. C'est pas un. C'est pas comme un vieux centre de. C'est pas comme. Ah, ça n'a pas de l'âge. C'est pas comme le stade. C'est ça. Puis c'est drette. Ouais, parce que je suis allé à des shows de bateau puis de home au stade. Là, ouais. Puis c'est moyen. Hein. Mais le plancher est correct. Là, mais j'aime l'idée des salles tout ça dans le Palais des Congrès. Et aussi, j'adore le fait que tu sors. Parce qu'on est allé à Ottawa. Puis on sait qu'est-ce que c'est aller à Ottawa au Ernst Young Hicktown ouais. Airport Place. Là. No offense, j'adore le Comic-Con à Ottawa, c'est par rapport. Mais à Montréal, Chris, on peut sortir, tu marches, puis t'as plein de restos. Tu traverses la rue, puis t'as des restos. Puis pour ma convention idéale, que je sais pas si on va se rendre au sujet éventuellement, je trouve qu'il est parfait pour ça en plus. Mais, fais pas de spoiler tout ça. Non, justement, non, moi je trouve que c'est le fun de faire l'inverse. On part l'emplacement, toute la quête, puis on va découvrir c'est quel type de convention en dernier. Pas trop, ben, j'aimerais juste Cuba dire... Cuba et Montréal. Oui, Montréal, puis même si on est au Cuba, je vais m'arranger qu'il y ait des portals. Moi, je me limite pas à rien dans le sens qu'il peut avoir des restos à côté de mon centre de convention à Cuba. C'est totalement fictif. Ouais, il y a rien de mieux que la bouffe au Cuba, t'as raison. Hein. C'est mon idéal. C'est pas, je dis pas que ça existe. Non, mais admettons que la bouffe était 40 en plus. Absolument, hein? avec la glace, là, puis l'eau. Tout là, est bon. Fait que les couteaux volent déjà bas, ça va bien. Mais moi, j'étais un peu à la même place que vous autres. J'aime ça des conventions où je suis pas obligé d'attendre en dessous d'une tente dehors pendant qu'il fait fret. Moi, j'aime quand il fait chaud, mais pas humide. Fait que Cuba, c'était pas dans ma tête. T'sais, Cuba, c'est fait chaud en bâtard à Cuba, puis fait fret. Puis, imagine le cosplay, justement. Oui, le cosplay à Cuba, tout le monde est... OK, le cosplay à Cuba, là, dans le fond, tout le monde a des cernes en dessous du bras. Parce qu'il fait chaud qu'elle y arbre puis c'est humide. Ou surtout en petit suit de He-Man. Ben ça, t'as pas besoin d'aller à Cuba. Des tu vas aller à Ottawa puis t'en as du He-Man. Mais non, moi, Los Angeles. Gars, ouais. le Convention Center à Los Angeles est incroyable. Il est gros. Tu peux faire le tour 8 fois avant même de sortir dehors. Ça marche pour moi. Ça marche pour moi. Il fait chaud, mais c'est pas humide. Bon, c'est ça. Il fait chaud et c'est sec. C'est désertique. Je suis d'accord. Comme le septembre à Montréal. Fait que... En fait, même pas. C'est Montréal, on a tout le temps des températures bizarres. Non, mais dans notre convention idéale, on a des machines qui contrôlent la température. Oh, ah oui, on a ça aussi. C'est ouais. Idéal. Ben, regarde, moi, sans même avoir les machines, je les garde dans mon budget pour d'autres choses, mais là, ça en gêne. Fait que là, on a les endroits. Quel type d'événement. Ça se passe à quelle période de l'année, votre convention, vous autres? Milter. Je vais dire l'été. L'été, OK. Il fait chaud l'été. Il fait chaud. Oui, mais tout, ça peut être n'importe quand. Là, n'importe à côté quand. Ah, Cuba, ça ne me dérange pas. Ben, c'est pour ça que ça ne me dérange pas. N'importe c'est pas comme quand. S'il y avait une saison des pluies ou quelque chose de même. Là. Moi, je dis Cuba, que les ouragans, mais même. Vous autres, vous avez tout de suite l'aspect, surtout Rick, là, l'aspect politique de Cuba derrière ça. Moi, c'est comme j'ai Cuba. Pas touché aucunement l'aspect non, politique mais, de Cuba. Le côté maladie de l'eau, puis tout, moi, c'est juste... C'est pas politique, ça, c'est réel. Leur eau est pas malade. C'est pas grave. C'est le c'est notre le... système digestif. Moi, c'est un Cuba idéal. Ouais, c'est un Cuba idéal, moi, je parle. C'est un Cuba idéal. Tout va bien, il est libre, il n'y a pas personne qui... Fait qu'un Cuba 1975 et dans avant, Tropico, avant, là. Que t'as bien travaillé ça, puis t'as utilisé des ben cheat codes. Là, c'est ça. OK. Fait que l'été? Ben ouais, l'été. OK. Éric? Ben moi, à cause que c'est à Montréal, moi, c'est début automne, direct en plein milieu de l'été indien qui tombe en temps parfait, avec en arrière du Palais des Congrès, les food trucks qu'on commence à avoir très bien, qui vont être toutes placées là en arrière, là, ça va venir, puis ça va être le temps idéal pour ça, juste avant l'hiver. Je m'excuse, mais j'adore début automne ici au Canada, à Montréal. Cool. Moi, c'est pas mal n'importe quand, je m'en sac parce que c'est Los Angeles. Ouais, mais c'est ça, ben justement. C'est ça, il fait beau, puis il fait chaud, puis on est bien. Mais c'est ça un peu que j'aime pas de Los Angeles puis des places qui ont le fait chaud. Mais non, pas non, le fait chaud, c'est correct. Juste que tout le monde... Parce que ton attitude à Los Angeles, tu fais quoi avec ça? Quelle attitude? Que mon attitude? Je sais pas, le California fucking shit attitude, là, qui sont toutes les meilleures. Là, ouais, puis, mais toi, tu vois ça ils comme... Ils portent des fusils là-bas aussi. Ouais, mais on s'en fout de ça. Non, mais c'est des risques qu'on prend. Là. C'est pas... Toi, tu vois l'aspect politique et l'aspect... Non, je pense à l'aspect réel. Culturel. Faut que tu y ailles dans un idéal. Dans mais un Cuba, idéal. Ils ont des guns aussi. Dans ma convention, il n'y a pas de guns. Mon idéal, il n'y a pas de guns. Mais je comprends juste pas pourquoi tu n'as pas choisi comme, je sais pas, les Bermudes. Ben, je suis jamais allé, fait que je sais-tu si c'est cool. Mais le temps, faut qu'ils connaissent ça pour oui, le choisir. Okay, exactement. Je parle par expérience. Oui, pas mal n'importe quand, il fait toujours beau à Los Angeles. Parce que c'est Perfect LA. En passant, André est allé à LA au centre des conventions, fait qu'il veut flexer ça aussi. Ouais, là. Non, c'est... Non, on est déjà, on même est déjà pas, c'est juste faire, parce que c'est ben, bien c'est une là-bas. Référence, tu sais, je pourrais te dire, le centre de convention à Las Vegas, qui est malade supposément, je sais même pas c'est quoi le nom, je sais même pas si c'est il est sûrement cool, mais je suis jamais allé. Ouais, mais Vegas, c'est pourquoi j'ai pas choisi ça? C'est parce que quand tu te promènes dans la rue, là, puis ça fait... T'as les fatigants avec les cartons, avec les putes pis les bars à bordel. Il y a trop de sollicitations. J'ai quasiment à le goût de changer ma place de pour Cuba aller à Las à Vegas. Vegas. Pas pour la sollicitation de putes, mais pour le nightlife qui va avec. Donc ben, les putes. Bon, okay, vois ça on de peut même, pas là. Revenir sur nos décisions, par exemple. On là, peut là, pas pense. Revenir. Non, okay, non attends. Cuba. Moi, je vais le tolérer cette fois-ci pour le. Non, le mais là, bien vous de... trichez, là, parce que les deux, vous êtes un à côté de l'autre. Non, là, mais puis c'est parce que. Dans le Nord. Non, mais écoute, sens-toi pas isolé avec ton Nord. Là. C'est pas parce que t'es au Canada que. OK. Ben, non. Fait que, un centre de convention, ça va être soit à Los Angeles, Las Vegas ou Montréal. C'est l'été, l'automne, ou n'importe quand de l'année, parce qu'on s'en sac. C'est une convention de quoi exactement? C'est qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va voir? Ouais. Ben, je sais pas, commencer. Moi, je me sens déjà en train de me faire coincer là, avec les Americans. Là, fait que... Moi, je me sens très Comic-Con encore. C'est, tu sais, les choses que j'aime. Fait que ça serait des comic books, des jeux vidéo, puis des films d'horreur. OK. Fait qu'en gros, je Comic-Con. Un genre de Comic-Con encore, là, tu sais, c'est pas mal là, le genre de convention qui me touche le plus, sans y aller trop niche puis dire juste des comics ou juste des jeux vidéo, là, regrouper un peu de tout, c'est pas mal ça, okay. Là, c'est un Comic-Con. Là. Moi, j'aimerais se dire qu'on a besoin de ça à Montréal, pas en Californie, fait que j'aimerais ça pousser d'avoir une convention qui ressemble un peu dans tes allures, moi plus... focusser sur les jeux vidéo et le e-sport. Ça, c'est quelque chose que je tripperais bien raide dessus. Ouais. Mais quand on parle de le local, je m'excuse, là, mais quand tu es à 2 heures de route de San Diego, là, c'est pas des choses qui sont en manque eux autres là-bas. C'est pas sûr qu'on a besoin de ça ici au mois d'automne, à Montréal, avec des jeux vidéo, l'industrie de film. Puis maintenant, moi, je vais juste rester ces jeux vidéo, fuck that. Moi, jeux vidéo, e-sport... Puis, je sais pas c'est quoi qui se passe avec le mondial des jeux à Montréal. Là. C'est de l'air très intéressant, mais ils sont vraiment pas clairs. On n'entend pas parler. Puis, j'étais un peu confused. Là. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi. C'est vraiment confusing, surtout à un mois et demi de leur event. Là. Je sais pas si. Je pense que c'est toi qui avais dit que tu penses que ça se peut que ça soit des tables dans une rue ou quelque chose comme ça. En fait, moi, c'est ma grosse peur. C'est ça, que j'ai. C'est comme, hey, on a loué la rue Saint-Denis pendant le festival Juste pour rire, puis on va pitcher des jeux de table là-dedans. Mais c'est parce qu'ils ont dit qu'ils vont avoir du e-sport, tout ça. Mais anyways. Ah, mais du e-sport, ils peuvent mettre une TV dans la rue. Ils vont mettre puis... 4 TV pluggées sur Mario Kart, genre, puis ils vont faire que le split screen de 4 TV, de split en 4, se retrouve sur 4 TV, puis ça va être la grosse affaire. On va jouer ou ils vont faire jouer du Google Twitch sur 4 TV. Genre, puis tu peux pas jouer, tu regardes juste une game de League of Legends. E-sport, jeux vidéo, mais j'aime de quoi qui est axé comme un genre de GDC, mais sur le talent local. Quelque chose que quand on va au Comic-Con à Montréal, quelque chose que j'ai vraiment aimé de mon expérience, c'est qu'ils ont un peu de tout ça. Mais j'adore avoir des events où ce que tu peux aller voir des gens parler de la création de jeux, avoir des gens qui parlent de leur expérience, je sais pas, à gagner les World International MLG à FIFA 13, même si tu veux, je m'en crisse, là. Mais j'aimerais quelque chose comme ça. Okay. J'adore les Comic-Con, là, mais les panels de comment faire des chests en foam, là, je sais pas, là, c'est juste moi. Là. Non, je t'approuve. Il n'aurait pas ça dans ma convention à Vegas. Fait que vous autres, ma gang, de j'aime pas le cosplay. Non, j'adore le cosplay. Ça. C'est juste que c'est pour les consommateurs d'un Comic-Con, le consommateur général, je pense que le cosplay cool comme que c'est une minorité visible dans le Comic-Con. Puis il y a bien des gens qui sont là, qui sont juste là pour voir les gens qui font du cosplay, mais qui ne traitent pas nécessairement à faire du cosplay. Ben, ce que j'aime entendre de votre explication, c'est que, tu sais, premièrement, je suis content de savoir qu'à Las Vegas et à Montréal, on dénigre les gens pendant les conventions. Fait que, c'est une raison de plus de venir à Los Angeles, parce que ma convention est une convention de convention. Une convention de convention. Fait que là. Non, mais. Yo, André, on se calme. Attends, là. Non. Conventionception. Ouais, Conventionception. Ok, Milton m'a volé un de mes taglines. Mon pitch, ok. Hashtag check ça. Conventionception. Hashtag convention. Redis-les. Hashtag Conventionception. Yeah. At. At. OK, l'important là-dedans, là, c'est juste, check ça. OK, imagine-toi, tu rentres, puis là, ben, oh, il me semble que j'irais bien voir un panel de BD. Fait que là, t'as le hall, Kentia Hall, ou South Hall, ou West Hall, ou peu importe, parce que c'est au LA Convention Center, que là, ben ça, c'est le hall avec les BD. Puis là, après ça, tu fais, j'ai faim. Mais là, t'as pas juste la foire alimentaire. T'as la convention de la bouffe avec des kiosques que le monde, ils font déguster un paquet d'affaires. Puis fait là-dedans, que t'as comme les fêtes gourmandes là-dedans. Là. Je commence à aimer un peu ton idée. Fait que là, tu sais, c'est comme tu vas avoir tes panels de BD, puis là, t'as faim, tu t'en vas l'autre bord, puis là, t'as un kiosque qui te vend un bout de crocodile à 18$. Fait que t'es en train de parler de Vegas, dans le fond. Fait que là, dans le fond, t'es dans ta convention des conventions. Puis là, ben, tu peux aller voir des jeux vidéo, des BD, de la bouffe. Tu peux aller voir des gadgets. Tu peux aller voir des chars. Mais toi, dans chaque, mettons, je file char, là. Ouais. Là, j'irais dans porte-char, là, exemple. Ouais. Là. Puis dans ça, il y aurait un floor qui vend des chars, genre. Avec des exposants d'artisans de chars. Puis des gars qui parleraient de chars. Des panneaux après, de chars. Après, je t'écarrais deux autres, genre. Puis eux autres, il y aurait toute leur horaire comme ça, comme pareil. Mais de l'autre bord, il y aurait le gars de la bouffe, exemple, la porte de la bouffe. Ouais, ouais. Puis que là, j'aurais des kiosques puis des artisans de bouffe. Fait que des gars qui font du Subway. Pis, pas juste ça, là. C'est non, pas juste des artisans de sandwich. De sandwich. Il y a des artistes de d'autres choses. Il y aurait du monde qui parle de bouffe. Ouais. Genre comme le gars de Hell's Kitchen, exemple, pourrait être un invité. Gordon Ramsay pourrait être un invité. J'aime l'idée. La seule affaire qui me fait peur, c'est quand j'aurais le goût d'aller aux toilettes. Ben, il y a une convention de toilettes aussi. Puis du monde qui parle de toilettes. Ouais. Okay, là, c'est y en juste trop. Ça qui me fait peur. J'en ai trop. Non, mais écoute, honnêtement. Mais j'aime ça. Ça dure un mois. Ça dure pas juste un mois. Ça dure 3 mois. Oh! Parce que. 3 mois. J'ai un autre twist que je vais vous pitcher parce que là, ça. Mais ça, c'est-tu pendant ou après les wildfires de la Californie? Ça, c'est pendant, après, name it, c'est pas grave. 3 mois. Mais l'important de ça, là, puis ce qui est le fun, c'est que ma twist aussi, c'est que je vole un terme, je m'excuse, M. Palache. C'est un battle con en même temps parce que tu rentres dans la convention des conventions. Conventionception, tu rentres là-dedans, là, puis là, tu payes ton prix d'admission. 50$. Okay, j'étais ton paye prêt, parce que je m'en avais dit, il faut sûrement que tu fasses un prêt non, pour rentrer là, ça si coûte ça pas deux, cher. Mois. Ça coûte pas cher. Fait que là, tu rentres, puis là, en même temps, ils te donnent 2 prix ou 3 prix, selon. Fait que là, toi, tu te promènes, puis tu fais le tour des conventions. Puis là, mettons que tu vois, hey, moi, j'ai vraiment aimé ça, la convention de char. Tu mets ton sticker, puis là, tu leur donnes le choix. Ton choix à toi. Tu votes pour eux autres. Puis là, il y a de l'élimination. À chaque 2 semaines, il y a une convention qui se fait éliminer. Jusqu'à ce qu'il reste jusqu'à la ce qu'il meilleure. Reste la convention à la fin. C'est sûr que c'est les toilettes qui restent. Sauf d'un autre côté, pour voter pour les toilettes, faut que tu sois vraiment désespéré. Non, mais pense-y vite, vite. Tu rentres, puis là, mettons, les tripes de chars, ils font « Hey, il faut que les chars, ils restent. » Puis j'avoue. Ils votent pour les chars, un peu comme les prix au E3. Mais comment, mettons, gros, tu penses qu'il est ton centre de convention à Los Angeles? Il est fucking huge. T'es énorme, man. Il est gigantesque. C'est une ville souterraine. C'est dans l'idéal, Rick, il peut être aussi gros qu'on veut. Non, mais c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est qu'André... cool comme concept qui va parce qu'on s'entend, il est allé avec le concept ultime. Là. Ton local, il est fourré, là, par mais exemple. Mais non, il est super gros. Non, je m'excuse, il est fourré. Tu peux pas être fourré parce que j'élimine du monde. Fait que quand il y en a qui s'en vont, il y en a des nouveaux qui arrivent. Non, c'est parce qu'il faudrait que ça soit à Las Vegas. Là. T'as pas le choix. Ben non. Oui, j'ai parce qu'il va avoir ça dans des différentes salles. Tu vas avoir des différents hôtels. Mais ça a même affaire à LA. Descend... Non. Ben ouais. À LA, il n'y a pas d'hôtel, André. Il y a plein d'hôtels à LA, Eric. Il y a aucune. Puis en plus de ça, c'est plat. Il y aurait une convention d'hôtels, Rick. Tu caches pas, il y aurait des artisans d'hôtels là. Tu peux dormir dans la convention. Il y a du monde qui parle d'hôtels. Non, mais écoute, je te le dis, c'est toute pensée, mon affaire. Fait que là, quand il y en a un qui se fait sortir, il y a une autre convention qui vient prendre sa place. Fait comme ça, toi, c'est une convention de convention. What's the next step? Ben là quoi, la prochaine étape? Mais je veux juste faire une parenthèse, Nowhere. Quelle prochaine étape? Mais c'est ça, tu veux créer un thème de ces choses que c'est comme c'est attends, je drop step. Le mic à la fin puis fuck you all. T'es juste jaloux dans ton Canada avec ta convention de jeux vidéo. Mais question, à part là, on n'avait pas il y a une couple d'années une convention de jeux vidéo qui s'appelait genre Arcadia à Montréal? Oui, effectivement. C'était même pas une convention. On peut-tu considérer ça? Non, moi je converse. Ça peut être un eux se considéraient un festival. C'est un festival. C'est un festival, okay. Arcadia. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a, on est en manque de conventions jeux vidéo à Montréal. Là. C'est, mais c'est même, pas même chose le qu'on concept a. Qu'eux autres avaient, qui était moyen, là, on s'entend, là, il me semble que ça pourrait genre revenir un peu. Ou... Mais c'est ça qui est le fun de Conventionception. Arcadia peut venir. Ouais. Dans Conventionception. Ouais, puis être éliminé en 2 heures. Ouais, pourrait se faire. Oui, c'est sûr et certain. Mais tout dépendant des votes du public. Mais qu'ils prennent une autre place, là, mais en tout cas. T'sais, on s'entend, là, regarde, tu peux en passer un maudit des conventions. On s'entend, dans les premières entrées, il y aurait probablement la convention des. Ceux qui collectionnent les timbres, là. Il y a un terme pour ça. Éliminé. Philatélistes. Les philatélistes. Fait que la convention de philatélistes, elle rentre. Mais tu sais, en même temps, je ferais comme la convention de philatélistes, puis l'autre bord, je ferais la convention des fans de death metal. Fait que tu sais, juste pour voir comme le clash de société. Malgré que j'aurais beaucoup de plaintes, moi, par exemple. Tu sais, le monde serait comme vraiment fâché, tu sais, de dire, regarde, moi, je venais ici pour acheter mon Blue Nose 68, puis j'étais pogné d'un line-up pour rentrer dans la convention des toilettes avec le gars d'Exankis. Je finis par acheter un album de D-Side puis de Cannibal Corpse. Tu vois, mais tu sais, pense aux produits croisés, là, c'est incroyable. C'est intéressant. Ben, c'est sûr que c'est intéressant. Parenthèse, Con, là, au Comic-Con de Montréal l'année passée, en même temps, parce que le Comic-Con se passait genre au floor, puis au 4, puis au 6e étage. Ouais. Ben, au 5e étage, entre le 4 et le 6, il y avait une convention de coiffeurs. Fait qu'il y avait plein de coiffeurs mixés, pognés dans le tas de monde en cosplay, ben, puis de fans de comic book. Puis... C'est drôle parce que tu parles de ça, puis ça me rappelle du coverage qu'il y avait pour le E3 il y a une couple d'années, quand ça se passait à Las Vegas pendant un bout de temps. Puis il y avait des cross du des conventions de porn en même temps. Fait que tu avais toujours des excellents articles puis des commentaires de dudes qui sont là pour cover le jeu, mais que ça crossait des histoires de porn. Oui. C'était assez spécial. Tu veux dire les genres de conventions qui ont été obligés d'envoyer à Los Angeles justement parce que c'était mieux là. Non, tu sais pourquoi ils l'ont transféré, hein? Tu sais la vraie histoire? Parce que ça mixait trop puis il commençait à manquer de place. Non, en fait, la vraie histoire, c'est à cause que le loyer à Las Vegas était trop dispendieux. Fait qu'il fallait qu'il y ait des places cheap. Puis, il y avait un gars qui renait ça, qui était un fan des Tar Pits. Fait que lui, il voulait faire sûr qu'il y ait des Tar Pits présents pendant la convention. Puis imagine-toi, justement, tu sais, quand la convention, elle coûte moins cher, tu peux en donner tellement plus à ta clientèle. Ouais. C'est sûr, incluant le cancer à cause des tar pits, c'est vraiment plate. Incluant le cancer. Ben écoute, s'il y a une convention de tar pits, on t'oblige pas à y aller, mais là, si tu veux y aller, par exemple. T'sais. C'est sûr, j'irais. Mais... Le mammouth, il s'en sort jamais, André, c'est ça qui me fait chier. T'achètes un billet, puis ça, c'est une autre affaire, puis moi, je veux savoir, votre billet pour votre convention, il coûte combien? Une pièce. OK. Toi, c'était non, mais il coûte une pièce, puis dans la pièce, tu reçois justement des cadeaux de 1 000 000 $ chaque. Puis les cadeaux d'1 000 000 $ chaque te permet aussi d'avoir accès à tous les jeux vidéo que tu veux. Ils sont gratuits. Et en plus de ça, ça te permet d'acheter une maison dans les banlieues de Los Angeles. Parce que c'est des cadeaux juste pour ajouter aux gens qui viennent. Je pense qu'Eric est jaloux de ma convention. Rick, il aime pas ma convention, je pense. Ben quoi, non, mais attends, tes billets, toi, ils coûtent combien? Est-ce qu'ils viennent avec des billets? Ils coûtent cher, mes billets, moi, c'est 3 mois de convention. Non, mais moi, tu vois, c'est une un pièce VIP, seulement. Un VIP, ça doit être 125 000 piastres. Non, moi, non, mais regarde, moi, je suis raisonnable. On parle de vraies choses, Eric. Puis moi, je vais prendre ça au sérieux, contrairement à toi. J'ai fait une étude exhaustive pour savoir combien coûterait un billet. Puis effectivement, à ce moment-là, le billet coûterait la modeste somme d'environ 500 $ pour les 3 mois. Ah, c'est cher, ça. Moi, c'est ben, une pièce. C'est pas si pire que ça quand tu y penses. T'as Comic-Con. T'as money pour la ville de Montréal, moi. Comic-Con, c'est entre 200 et 300 pour 2-3 jours. Ouais, ben mon Video Game Con, il y a une pièce, puis t'as du spending money pour ta vie. Ouais, mais c'est ça, mais toi, c'est pas réaliste. C'est fabulé, Eric. Moi, c'est 500 pièces. Puis, sais-tu quoi? Ce qui différencie Conventionception des autres, là, c'est que ta passe est transférable. J'ai même pas dit mon vous prix êtes, vous êtes 5, puis vous pouvez la transférer, votre passe. Ça fait 100 $ chaque. C'est pas pire. C'est juste si t'es pogné la semaine ou si c'est la convention de, justement, de tripeux de Bill Bucket, des toilettes, puis de la bouffe thaïlandaise, ben, oh boy, là, fais attention, là. Toi, ça coûte combien, Milter, aller à Cuba, ta convention? Moi, c'est non, contribution c'est à volontaire. À contribution Vegas. Volontaire. Ah oui, c'est vrai, c'est à Vegas, c'est vrai. C'est Cuba dans un centre à Vegas. C'est OK. Pas ça. Mais c'est contribution volontaire. Fait que t'aimes ça, t'as du change, tu le drops de temps en temps. Tu donnes de quoi? T'aimes ça, tu donnes plus. Tu fonctionnes en type un peu, toi. Un peu. Comme, c'est comme aller au musée. Tu donnes la 5$ ou tu le donnes pas. Tu c'est toi. C'est... OK. Comme ça, il n'y a personne qui chiale. Puis dans un sens, tu sais, quand tu y penses, là, à part, OK, oui, il y a des invités et des affaires de même, mais c'est un gros floor à marcher aux puces, là, dans un sens, sauf spécifique. Mais c'est le genre d'affaires qui devrait être open à tout le monde, puis que juste les conventions devraient être admissibles par ton billet. Fait que même si tu n'as pas payé, tu peux aller dépenser de l'argent. Tu sais, le gars, il a payé son kiosque, il a payé son fait floor. Fait que toi, tu taxes les exposants qui vendent, dans le fond, pour financer ton événement. Non, pas nécessairement. L'exposant, je parle, il est là, puis il loue déjà son floor comme n'importe quelle convention. OK. Mais à place de quelqu'un qui achète un billet, si tu achèterais un billet, ça serait juste pour accéder au panel puis à ces affaires-là. Aller sur le floor pour dépenser de l'argent puis bénéficier à mes exposants qui ont déjà loué un spot. Mais pourquoi que le client a besoin d'acheter un billet? Je pourrais juste leur permettre un free-for-all. Va dépenser d'autres argent. Puis si tu veux accéder à des panels, paye ton billet. Ça, c'est pas pire. J'aime ta manière de rouler tes choses. Même si le fait que tu n'auras jamais de financement. C'est comme un marché au bus quand tu y penses. Allez-y pour les commerçants. Que moi, à l'achat de tous mes billets, ça vient avec un sac et un sac de 2 heures de donuts. Un sac de 2 heures de donuts. Parce que les donuts, tout le monde sait que ça fonctionne en méthode de temps. Donc, moi, je vais te prendre 30 minutes de donuts, s'il te plaît. Ça va faire 4,50. C'est à peu près un donut à la minute, d'après moi. Ça dépend comment est-ce que tu te sens. Tu sais, monsieur, il faut vraiment que vous arrêtez les beignes, vous êtes à 15 minutes de mourir. Ouais. Ça fit. C'est pas pire. Puis ça, c'est pour ceux qui le savent pas, c'est une référence au petit beignes du Comic-Con d'Ottawa. Mais il va en avoir, puis il y en a gratuit pour toi, Milter. Je vais même pas te charger. Ouais, mais ça serait, moi, je l'organiserais. Fait, je pense qu'Éric, il est jelly un peu. Mais là, il y a un problème, c'est que notre convention ferait partie de la convention André. Mais c'est ça le fuck un peu. Fait que André, il gagne. Non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'il a triché. Non. On n'a pas créé de règles. Puis ça, c'est quelque chose que tu dois éliminer. Il y en a des règles, mais c'est moi qui les ai créées. Donc, tu sais, techniquement, vous aviez aucune chance. Non, mais moi, je vais vous laisser quand même vous débattre un peu. Mais moi, je suis curieux c'est de savoir. Setup, là. Milter, tu sais que c'est un setup. Hein? On s'est fait setup par André. Là. Non, mais c'est pas comme si... Ça va être qui tes invités, c'est André? Ça, moi, c'est ça que je veux savoir. C'est qui vos invités à vous autres? Ben les mêmes que toi, ça a l'air. Nos invités vont être ses invités en plus. Mais, gars, si j'irais dans tout le monde, je mettrais Quentin Tarantino, parce que je suis sûr qu'il est intéressant. J'avais Rose McGowan, juste parce que je paierais prendre ma photo avec. Okay. Chapeau à Milter pour garder ça consistant, même si on se fait cockslap par André. Okay. Là, c'est bon. Mais non, mais faut jouer le jeu. Je veux voir Adam West, fait que je m'arrangerais pour qu'il y ait Adam West là, pour mon côté TV, BD, ouais. Cinéma, tout. Là. Okay. Puis sinon, je ne sais pas, je voudrais des belles découvertes de gens que je connais pas, qui sont entertainants, pas du monde plate. OK. Fait que... Mais moi, j'aimerais ça avoir Nolan Bushnell qui est là pour nous expliquer comment c'était fumer de la dope puis être dans des hot tubs dans le temps d'Atari des années 70. Excuse, le gars de Fear and Loathing in Las Vegas, là, le journaliste sur quoi c'est basé. Non, mais c'est... Mais ça serait cool, lui. C'était juste son nom à lui. Là. Je me souviens plus du nom, mais lui... Johnny Depp, cool. Là? Ouais, le gars que Johnny Depp joue. Attends, Johnny Depp joue à quelqu'un? Oui, dans celle-là, oui, il jouait quand même. C'est le seul qui jouait un rôle. Mais tous les autres films, il est lui. Moi, je pensais que Johnny Depp jouait Johnny Depp. Mais moi, c'est plein d'artistes, plein de personnes comme ça de l'industrie, mais je veux entendre des histoires. Comme moi, je veux, dans les jeux vidéo, je veux des histoires fucked up. Comme je veux Patrice Desilets qui a fait une conférence pour dire comment est-ce qu'il s'est fait fourrer par Ubi, puis ensuite Ubi encore. Je veux entendre des backstories où ce que tu peux avoir, genre des genres de rencontres où ce que... Tu signes un NDA en rentrant. Puis tu veux que le dirt. Gars brise son... Tu veux du dirt. C'est ça que tu veux, dans le fond. Du quoi? Du dirt. Ben, je veux du dirt de l'industrie de jeux vidéo. Moi, c'est des choses que j'aime. J'aimerais entendre... Tu serais surpris d'entendre l'histoire de... T'as déjà entendu le jeu Fishing Frenzy? tu sais, le poisson qui se promène puis qui mangeait des poissons, les premiers jeux. Je connais le jeu, mais ouais, je connais pas l'histoire. Je suis convaincu qu'il y a une histoire vraiment cool en arrière de la création de ce jeu-là. Je pensais qu'il y en avait vraiment une, là, que t'allais dire, il y a du meurtre. Ben, j'en avais entendu dans le temps de PopCap. Quand PopCap a commencé, il y a ben du shit fucked up où ce qu'eux autres, tout d'un coup, leur jeu de merde faisait des millions de dollars, fait qu'ils savaient pas quoi faire avec. Fait que t'as bien des petites histoires intéressantes, je sais, qui se développent de ça. Je vais entendre parler du gars qui a designé la musique pour Earthworm Jim pour savoir justement c'est quoi qu'il faisait dans Tommy le temps. Tallarico? Ben justement, Tommy Tallarico qui serait là pour entendre des histoires de ça. Tu sais, des invités comme Dave Perry, des invités vraiment de l'industrie. Pas... Contrairement à des E3 que André va pouvoir nous parler de dans les semaines à venir, mais je veux pas de conférences de PR. Je sais pas si tu me comprends, mais je sais que tu me comprends. Ouais, ouais. Je veux pas un Don Matrick qui est en train de faire sa ligne de compagnie. Moi, je veux du real fucking shit, du monde qui travaille sur les choses puis qui parle vraiment comme de comment ce que c'est. Des genres de conversations que tu auras dans un bar avec ces gens-là. Puis tout ça, on s'entend, ça se passe dans la convention, en dedans de la convention, André. Mais je tu sais, me fais André, penser, hier, je sais pas si t'as écouté l'épisode de Silicon Valley, non, c'est avant hier, mais pas un spoiler, là, mais c'est une petite affaire anodine, mais tu sais, ils sont rendus à Disrupt, c'est comme la grosse convention, puis tout le monde fait le pitch pour leur application, leur site, puis tout le monde fait comme « changing the world, changing the world, changing the world ». Tout le monde change le monde, tu sais. Puis c'est un peu ça, quand tu parles, tu sais, de la gamique des conférences de presse, de PR, tu sais. Nous autres, chez EA, c'est amener une expérience aux joueurs. Amener une expérience aux joueurs. Puis ils ont toutes la même sauce. Je suis plus capable. Moi, je suis plus capable. C'est pas grave. Moi, je les écoute pas, puis j'écoute les trailers, puis je me fais une idée, c'est jeu. Oui, je suis d'accord, mais c'est juste, comme on est comme consommateur de jeux, on est rendu maintenant dans l'étape où ce que on devait pas se faire spoon-feeder cette shit là. Fait que toi dans le fond, ta conférence, ouais, le monde il rentre, ils signent puis ils disent parle-moi-en, mais moi je pourrais jamais parler de qu'est-ce que j'ai vu ici. Ben ça c'est certaines ton pitch, places. Là. Toi ton pitch, c'est il y a certaines places qui vont avoir ça. Mais oublie pas, ça va être dans un hall à quelque part dans ta convention. Là, mais moi, je te suggère de le déplacer de Montréal à Ottawa pour une raison, c'est que les cellulaires marchent pas à Ottawa. Fait que t'aurais pas besoin de surveiller Twitter, Facebook, puis tu te le quittes. Le monde pourrait pas l'utiliser, veut pas, t'sais. Fait que tu serais safe. Juste pour rajouter bien vite, là, dans les conférences de même, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait peut-être plus une intimité. Peut-être que l'artiste fasse 2-3 conférences de suite, s'il faut que ça revienne un peu au même quelque chose, mais dans des plus petites salles. Mais en fait, j'aimerais, justement, je ne veux pas t'interrompre, mais dans mon affaire, parce que ça se passe à Montréal, une des meilleures villes au monde, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est que ça fonctionne un peu comme les festivals de musique qu'on a ici. Quand tu as un festival de jazz, tu as la grosse scène. En fait, ouais, j'aimerais modifier un peu mon affaire. C'est que la convention telle quelle, il y a bien des affaires gratuites. Pas un dollar avec un million, là, même si c'est réel, ça, puis c'est mieux que ta convention. C'est impossible. Mais la réalité des choses, tu sais, t'as un main stage de stock qui est gratuit, mais dans les bars, dans les cafés, dans les affaires qui sont alentour, dans la ville, t'as des petits. Tu sais, tu peux avoir des meetings spontanés, un peu comme le Juste pour rire. Tu sais, les gens y allent au gala de Juste pour rire. Les gens y allent maintenant le rachat de Badouri à 950 000 personnes dans la place des festivals, mais. Ils croisent chez Wolko à Laval. Non. Le vrai trip du Juste pour rire, puis ça, je vous... Tu sais, Comedy Works, là, sur Bishop, là, c'est 5$ pour rentrer un mardi. Là. C'est 55$ pour rentrer un mardi pendant le Juste pour rire. Pourquoi? Parce que t'as des fucking drop-in épiques qui arrivent. Puis, tu sais, ce serait quelque chose dans cette allée-là que j'aimerais un peu aller. Mais je pense que je vais juste créer une salle dans la convention André, qui est Montréal. Ben, tu sais, moi je pense... Conventionception, premièrement, j'ai même pas besoin d'expliquer comment c'est épique. Là. Deuxièmement, c'est pas de la tricherie, mais check ça. Moi, il y a un nouveau concept que je lance à Conventionception. C'est des panel battles. Fait que tu sais, imagine-toi, mettons. Quand est-ce qu'on va parler comme invité, là. Imagine-toi, là, mettons, là, t'as DJ Jazzy Jeff puis Louis-José Hood qui font un panel battle. Tu sais, fait que là, Jazzy Jeff, t'as un animateur qui fait OK, bon, mais let's go. Fait que là, t'as Jazzy Jeff, il dit « Tu veux-tu entendre parler des histoires le fun pendant les tournages d'épisodes de Fresh Prince? » Puis là, t'as Louis-José Hood qui dit « Hey, je parle vite, puis je fais des jokes en faisant une face. » Puis là, le monde, il vote. Mais moi, je voterais pour Jazzy Jeff, là. Je suis pas pour toi. Fait que tu sais, après ça, dans le fond, Tu sais, c'est comme t'entends l'histoire de la personne pour qui t'as voté. Je sais pas, tu sais, gars, tu pourrais arriver, puis fouille-moi, gars. Mais peut-être, Louis, Kurt Russell, puis Jeannine Souto, mettons. Okay, ben pourquoi... Ça pourrait être intéressant, mais tu sais, des panneaux de bateau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, là, qui ben ouais, comment dire ça. Trois mois, Milter. Hey, faut que j'en donne au monde, puis 500 piastres. Si, en plus, pendant trois mois, t'as du monde qui passe pas parce qu'ils perdent le panneau, c'est du double ouais, mais t'imagines-tu? Ouais, mais d'un autre côté, check où ça devient les perdants, intelligent. Ils vont ailleurs. Tu sais, c'était quoi un de nos irritants dans les conventions qu'on a eues à date? Ah, oh, telle personne était supposée d'être là, puis elle a cancellé. T'as trois hosties de mois pour faire du temps pour venir à Convention fait Section. Que dans le fond, piler ton passeport Summer Glow, il n'y en a pas de problème. Tu vas pouvoir revenir. C'était parce ça son retrouver. Excuse? Elle avait perdu son passeport l'année passée. Elle l'a expliqué. Elle l'a expliqué. Il était dans la poche de sa robe de chambre parce qu'il était tellement parano de le perdre. Fait que tu sais, imagine-toi. Ah, cette année, Convention Section, t'as trois mois. Il n'y a plus personne qui annule. Ils n'ont plus d'excuses. Conventionception. Fait ouais. Conventionception, écoute, c'est 500$. La passe intransférable. Tu peux inviter tu peux l'acheter à 5. Puis là, tout le monde y va une journée différente. Il n'y en a pas de problème. Là. Puis tu rentres, c'est payant en dedans. Mais tu as plein d'affaires différentes. Puis tu vas en découvrir du nouveau stock à Conventionception. La seule affaire... Ça se compare pas au Festival des chocolats de Bromont. Ben en fait, le Festival des chocolats de Bromont migre à Conventionception cette année-là. Il amène Bromont à Conventionception. Il y a une salle Bromont. Il y a une salle Bromont. Puis là, le monde vote. Est-ce qu'il y a le gars qui fait les cuillères? Écoute, pourquoi pas? Il pourrait arriver, le gars, aux cuillères. Il y a un kiosque. Non, pas qu'il joue des cuillères, là, qui explique comment faire des cuillères. Ben écoute, pourquoi pas? Un sauf qu'on s'entend, lui, mais qui se présente contre Kenny Reeves sur le stage pour son panel. Il y a des bonnes chances qu'il perde. Ouais, mais c'est parce qu'il y aurait quand même. Faut pas que tu peux pas faire des match-up injustes comme ça non plus. Il va revenir pendant les trois mois qui suivent pour se représenter contre quelqu'un d'autre. Non, mais j'aimerais à choisir ses batailles. J'aimerais quand même le créateur le fabricant de cuillères de Champlain Québec qui se prend contre le fabricant de cuillères. OK, attends un peu. On va y aller avec un système de vote. Tu veux Keanu Reeves et Rick. Les invités des conventions de Conventionception, ils vont se pogner dans des panel battles selon le nombre de votes pour leur convention. OK, fait que mettons, je te donne un exemple. T'as 100 000 votes pour le panel pour la conférence de char, puis t'as 98 000 votes pour la conférence de sport. Mais les gens votent comment en passant avec des clics, un app, ils collent leur cossin. C'est comme, tu sais, là, mettons, là, quand que. Je te donne un exemple. Il l'a dit tantôt. C'est comme des boards, puis tu vas coller, mettons, tu colles char, ton sticker. Board, tu rentres un sticker unique avec un code QR. Je sais que c'est. Genre comme des. Quand tu vas au Mondial la bière, là, puis tu achètes tes billets, coupons, tu mets ça. Ton coupon maintenant, dans une boîte, c'est ça. Convention de char ou convention de comic ou convention de toilette. Mais si tu perds, ça ne servit à rien. Hein. Ouais, mais si tu perds, c'est parce que t'es poche, puis le monde ne veut pas payer pour te voir. T'es ouais, pas si intéressé. Par, on n'a pas de moi, temps à perdre, Eric, là, Convention Section. Par 500$. Eric, il va être le genre de gars qui va vouloir des pétitions de racontage. Eric, c'est le genre de gars qui va attendre la dernière journée pour faire son vote, puis il va regretter. René va dire j'aurais dû voter pour attendre eux. Attendre la dernière journée pour faire son vote, t'as une journée. Mais non, t'as trois mois, Eric, pour voter. Ouais, mais c'est à toi. Non, mais deux OK, fait que c'est à la fin du trois mois. Non, on peut voter n'importe quel trois mois. Tu votes n'importe quel. C'est un peu compliqué quand. Ton affaire. Non, regarde, c'est simple. T'arrives à Conventionception. C'est ça que j'ai compris. Tu payes 500$, ils te donnent ton coupon. Là, coupon peu est bon importe, trois mois. N'importe quel semaines. Non, non. On vote quand tu veux. Nous autres, c'est qu'on regarde, mettons, à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, les conventions qui sont là. On les kick out, ceux qui sont les plus fait poches. Fait que t'as un petit peu à l'élimination. Tu te fais éliminer. Puis ils sont remplacés ça. Par d'autres, comme par d'autres conventions. Puis comment est-ce qu'on détermine un gagnant? Il y a ben pas le de gagnant, c'est les. Mettons. Okay, le gagnant, c'est le consommateur. Le gagnant, qui a acheté un le gagnant c'est la convention des jeux vidéo de Montréal. Non, pas nécessairement. C'est la personne que. Check. Mettons, il y a 100 exposants, là. OK. Mettons, il y a 100 exposants. Mais il y en a peut-être 10 qui se font crisser dehors, là. Mais tu sais, c'est les top 10 qui gagnent. Là. Parce qu'à la fin, il y a les cérémonies de Conventionception aussi. Oh, la remise de médailles. Oui, effectivement, la remise des médailles. T'sais. Écoute, t'as réussi à toffer les trois mois de temps à faire des panels à chaque jour, à gagner tes panel battles. Déjà, il embarque sur scène, t'es épuisé. Ben c'est ça, mais à la fin, hey, tu l'as mérité. C'est cruel ton affaire. Non, c'est pour les fans. Ils ont toute leur vie pour ce panel-là. C'est écoute, les Olympiques là, des c'est le moment d'une vie, là. Écoute, là. Pense-y, J.J. Abrams, là, quand ça va faire trois mois qu'il parle sur le nouveau Star Wars, il va être écœurant. Répondre à plein de questions. Pour tenir le monde captivé, c'est long, là. Il n'y en aura pas du nouveau stock tout le temps. Pensez Conventionception, je t'ai dit. C'est un concept. Puis à la limite, là, ça mais comment est-ce que comment c'est quoi les, les incitatives pour les exposants, là? Parce que t'es même dans la grosse marde, là. Shit, c'est ça, là. Non, mais c'est. Moi là, être un invité, là, tu me montres ça, puis je suis comme. Je suis pas trop sûr que je veux faire ça. C'est quelque chose. Tu sais, j'ai eu une invitation, là, qui m'offrait une chambre d'hôtel à Montréal, ben chill. Ça, ici, c'est un. C'est le Thunderdome des conventions. J'aime pas ça. Moi, j'ai 498 raisons qui vont à chaque billet aux exposants, justement. Parce que on garde 2$ sur le billet. Des 500$, le reste, on leur donne tout aux exposants. Plus que tu restes, plus tu ramasses du cash. Quel exposant? Parce qu'on le divise également. Fait que, mettons, il y a 100 exposants qui sont là pendant une semaine. Ben là, chaque billet qui se sont vendus, c'est 500$ pendant cette semaine. C'est un gamble, là. Toi, t'es là, puis je sais pas, t'es une convention de hot dog. Tu vas là, puis t'es comme, ah, moi, j'ai investi 500 de l'argent là-dessus. Puis là, finalement, c'est comme jouer à la loterie. Finalement, attends, ça devrait être à Vegas, ton affaire. Eric, c'est un gamble. Attends, c'est pas un gamble. Parce qu'au contraire, Conventionception m'amène à, à une prochaine chose. Votre convention apporte quoi à la ville qui va l'accueillir, vous? Ben moi, je sais plus parce que ma ville, ça a l'air qu'elle est pas assez cool. Mais non, mais écoute, essaye pas de faire un appel à l'émotion, Eric, là. On l'aime tout, Montréal. Là, on parle business, on parle de convention. Mais qu'est-ce que ça apporte à Montréal d'accueillir ta convention de jeux vidéo? Ben, comme j'ai dit, moi, à cause que j'ai changé un petit peu mon affaire, puis j'ai décidé de faire une convention, mais qui fonctionne un peu comme les festivals, où tu as le plancher de convention qui est accessible et gratuit, puis que tu as toutes les affaires qui se passent partout dans la ville de Montréal. Fait que les bars, les cafés, les restos, le Métropolis, tu le nommes, c'est toutes des places qui vont avoir des genres de choses reliées à ça. Pareil comme quand tu vas au festival de jazz, ben tu vois toutes les shows qui se passent partout alentour. Fait que ça rapporte ça. Et en plus de ça, je disais, chaque personne, ils ont $1,000,000 à dépenser. Où est-ce qu'ils vont le dépenser, André? À Montréal. Oh, bon point. Ou dans un compte des îles Caïmans? Non, c'est contre la loi, c'est en fait, parce qu'on donne cash, puis on ferme les banques pendant 2 semaines. OK. Oh. Fait que ouais, l'économie locale... Elle est payée en cash. OK. Fait qu'ils ont bien du cash... Il va avoir en conséquence peut-être une coupe de robbery. Ben écoute, Eric, moi je suis content de savoir que tu encourages le monde à commercer en dessous de la table. Non, organisé avec du blanchiment d'argent. Mais toi, Milton. Il n'y a pas d'ATM dans le coin, là, André. Là, on se calme, OK? ATM Astomouth ou. Ça bénéficie parce que ça l'amène du tourisme et. La traditionnelle, là, du tourisme, des gens. Ça dépense de l'argent, ça loue de la salle. C'est bon pour tout le monde. Astomouth. Je suis encore traumatisé par ça. Là. Ah, fait que Milton, toi, tu dis, tu stimules l'économie locale? Ou... Ouais, ben oui. Tu loues la place. Des restos pas loin. Ah, mais c'est top encore. T'as pas peur, Milton, d'encourager le gambling? T'sais, moi, je te dis, l'économie locale à Vegas, tu sais. Non, les gambling. C'est trap. Qu'est-ce qui est mal contre le gambling? Moi, personnellement, je participe pas à ça. Quand je mets mon argent dans une machine, j'aime que ça soit une arcade. Regarde-moi, là. Faut qu'on s'allie. Parce que lui, il est en train de nous setup, là. Ça il nous pose une question chaque juste pour faire de quoi, là. Moi, je le trace pas, ma convention va peut-être être dans la sienne, donc... Elle n'a pas le choix. J'essaie d'avoir une bonne place dans sa convention. T'es André, shoot. Toi, ça n'apporte quoi à Los Angeles? Il y aurait pas de une ville qui a tellement besoin de choses. Fuck all. C'est ça. Ça apporte du monde dans la convention. Ça apporte 3 mois de trafic, du monde qui vont venir, puis... Les hôtels, du monde des restaurants peut-être un peu. Il y a déjà peu, du trafic là-bas tout le temps. Fait ça ne change rien. Là, en fait, c'est que ça va transformer LA comme une méca mondiale de toutes les conventions. Tu sais. Ce qui est déjà pas mal ça. C'est ça. C'est, mais ça ressemble à ça correct, déjà. Ouais, ouais. Fait que, avez-vous d'autres questions? Ben, Conventionception, vient de vous torcher le cul. J'ai hâte de savoir quelqu'un qui vend les billets de Comic-Con de Montréal. Juste ça à dire. Moi aussi. On a reçu un courriel qui annonce que c'est mercredi le 21, donc demain. Très sournoisement, ils vont faire... Je pensais qu'ils annonçaient les invités le 21, pas qu'ils vendaient les billets le 21. Ils annoncent les invités demain. Ils ont fait un petit événement média, les choses comme ça. Mais ils vendent les billets le même jour? Ils vont pas vendre les billets le même jour, mais les billets devraient tomber en vente, je pense, c'est d'ici 2 semaines. Okay, ouais. Puis si quelqu'un écoute, a l'intention d'aller au Comic-Con de Montréal, achète tes assis de billets. Là, je sais pas si tu as vu les lignes, là. C'est affreux un peu, là. Prends-les d'avance, prends-toi. Mais honnêtement, regarde, je pense que... J'ai des billets VIP, pas VIP, de luxe d'avance. Peu importe ce qu'on a dit de nos conventions aujourd'hui, là, allez voir des conventions, que ce soit un show de bateau, un show de motocross, l'exposition VR, peu importe. Mais tu sais, allez vous promener. Il y a des conventions pour tout le monde. Le Art and Tattoo Show au Palais des Congrès, il est très nice. Oui. Plein de belles affaires qui sont pas des tattoos. Je dis ça de moi. Non, c'est ça. T'as un paquet de cossins. Mais l'important, je pense, c'est qu'on a tendance à penser festival de jazz, festival de musique. Mais allez vous promener des conventions aussi. Vous allez rencontrer du monde. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Puis chaque convention a quelque chose de spécifique. C'est sûr que Conventionception les regroupe toutes. Mais allez découvrir du stock, honnêtement. C'est pas parce que je manipule mes amis en leur faisant dire exactement ce que je veux. Que... non, mais honnêtement, Montreal Comic Con va s'en venir aussi. Ambush. Puis il y a une autre convention qui va faire jaser beaucoup les gens aussi qui s'en vient au mois de juin. Il y a le E3 à Los Angeles, justement, qui s'en vient. La grosse convention de jeux vidéo. Dans un cadre totalement professionnel, je vais aller faire quelques apparitions là-bas. Et je surfe une ligne très fine présentement entre l'éthique professionnelle et le désir de partager avec les auditeurs du podcast. Donc, à partir de maintenant, André, c'est André 3N. Oui, André 3N. À partir de maintenant, on m'appelle Miguel. Donc, Miguel fera des séances de Google Hangout à partir de Los Angeles, carrément. Peut-être avec un masque, peut-être pas de masque, tout dépendant. On va voir ce que ça va passer. Mais non, joke à part. Fait que at Ouzou Miguel. Ouzou Miguel, QC.gmail. Non, mais. En bon québécois, je vais faire des séances de Google Hangout qui vont être avec Eric et Milter, justement. Oui. En direct de Los Angeles. Je vais essayer de vous parler de mes impressions de l'événement cette année. Tu en attends nos impressions parce que moi et Milton, on va suivre ça. Ben, c'est ça. Vous autres, vous allez le suivre sur le terrain. Comme le monde normal. Je vais inviter les gens aussi via Twitter. Si vous avez des recommandations, des choses que vous voulez voir, c'est sûr et certain, je vais avoir un heure du temps quelque peu chargé, mais je vais essayer de prendre du temps pour aller vous prendre des photos, pour aller voir des boats, pour essayer des trucs. Comme les tar pits. Il y a certaines choses que je ne pourrai malheureusement partager avec vous, c'est sûr et certain, mais je vais faire mon possible pour pouvoir vous apporter le plus de contenu original. C'est sûr et certain, on va trouver quelque chose, mais grosso modo, faut que j'arrête de dire ça. Non, c'est correct, c'est toi. Tu l'as pas dit souvent. Miguel fera certaines apparitions sur Google Hangout. Il y a un décalage horaire, fait que c'est sûr, ça va peut-être être un peu tard pour vous. Mais j'ai hâte de vivre cette expérience encore une fois. J'ai hâte de la partager avec certains d'entre vous. Puis, il va y avoir des belles nouvelles cette année, j'ai l'impression, parce que on a eu la guerre de consoles. Mais là, c'est plus à propos des consoles, ça va être en à propos des PlayStation jeux. A gagné. PlayStation gagne toujours. Ouais. Mais là, c'est plus à propos des consoles, ça va être à propos des jeux. Fait que je pense que cette année, ça va être une excellente année, une excellente édition du E3 pour les joueurs, parce que ça va être enfin du stock qu'on attend pour utiliser puis justifier nos 500$. Un nouveau on Call va of enfin Duty. Avoir un nouveau Call of Duty. J'ai hâte de voir personnellement si on va avoir des nouvelles de Mirror's Edge 2, le prochain Mass Effect. Il va y avoir du stock qui s'en vient, puis j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. Envoyez-moi vos questions via Twitter @uzumakiqc. Sinon, surveillez mon Instagram @uzumakiqc également. Il va y avoir des belles surprises. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de belles photos et de trucs. Je vais essayer de vous filer le plus possible. C'est sûr et certain, la ligne Miguel. Je m'en allais dire de quoi, puis je le dirai pas. Je vais me couper au montage là-dessus. Bon. Mais on va essayer de vous apporter le plus de contenu original. On va essayer d'interagir avec vous. Puis j'ai bien hâte de partager cette expérience-là avec tous les fans du collectif également. Oui. Puis le mois de juin, c'est pas juste le 3, il va y avoir aussi une autre belle chose qui s'en vient. Malheureusement, on peut pas vous en parler pour tout de suite, mais on va avoir une belle surprise pour vous. On vous parle depuis longtemps que la famille va prendre de l'expansion. C'est d'une méthode qu'on n'avait peut-être pas nécessairement anticipée. Fait qu'on fait nos agaces en faisant du vague podcasting. On fait du vague podcasting, mais on va avoir des belles nouvelles pour vous. Je suis sûr que vous allez être contents. Puis, Hashtag agace. Hashtag agace. Vous pouvez même essayer de solliciter les balado-diffuseurs de notre humble programmation pour essayer d'avoir de l'information d'avance. Ça marchera pas. Mais ça marchera pas pantoute. Fait que mois de juin, gros mois pour le collectif, gros mois pour les auditeurs du collectif également. Les boys! Oui. On vous rejoint comment? Moi sur @zombiemilter sur Twitter et Twitch TV, c'est Zombie Milter aussi. 1287 sur Xbox et Xbox One et sur PS3 et sur Wii U. Partout, dans le fond, tout ce qui est gaming, c'est ça. Fait que mon nom sur Facebook. Puis sinon, c'est pas mal tout. Instagram, même affaire. Milter 187, c'est ça? Je crois. Ouais, je suis plus sûr. Eric? Montréalien, Montréal IEN, sur que tu nommes là, Steam, Facebook, GameSpot, N4G, Xbox Live, PlayStation, la console supérieure à cause de la résolution. plein de choses écœurantes comme ça. Merci beaucoup. Sur Wildstar aussi, dans la semaine, dans 2-3 semaines, ça, je n'en ai pas parlé. Dans ce jeu-là, tu peux te faire Rocket Raccoon? Oui, tu peux te faire Rocket Raccoon très facilement. Tu vas sûrement être le seul à faire Rocket Raccoon aussi également dans Wildstar. Ouais. Ou tu peux te faire un Raccoons de le show canadien Nelvada de Raccoons. Oh. C'est sûr qu'il y avait des R en jaune? Ça, ouais, c'était poche. Ouais. C'était pas poche, ça. Hey, oui, attaque pas mon historique canadienne, toi. Tu viens-tu de l'épisode qui voulait faire un vélo puis oui. Il pognait des morceaux oui, dans les sacs? C'est super okay. Bon, ça. OK, okay, excuse. André? Wow. On vient d'aller loin dans mon enfance. Je t'avais fait la chanson. C'était un two-parter en plus. Il y avait même le spécial de Noël. Anyways, ouais. André? Donc, OuzumakiQC sur Twitter, sur Instagram, sinon André Paquette via Facebook. Puis, pour les gens qui voudraient suivre le projet, nous sommes Geek Collectif, le podcast, oui. Depuis 2012. Vous pouvez nous suivre sur facebook.com/geekcollectif, le podcast, @geekcollectif. Envoyez-nous vos commentaires via iTunes avec quelques petites étoiles, 5, pour pouvoir nous encourager, nous dire que vous aimez la programmation qu'on vous offre semaine après semaine. Merci, merci à l'agence de création éphémère de nous accueillir ce soir dans leurs locaux. Très beau studio. Très beau studio. C'est la première fois qu'on enregistre ici et je ne crois pas que ce sera la dernière. Puis on va essayer d'avoir de l'internet un peu la prochaine fois pour pouvoir partager le moment en direct avec vous. Sincèrement désolé pour le stream ce soir encore une fois. Mais c'est pas grave parce que vous êtes des fans assidus puis vous téléchargez nos épisodes via iTunes en vous abonnant en laissant une cote de 5 étoiles. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Prochain épisode, je crois qu'on va avoir un certain lutteur avec nous. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Découvrir le gala qu'il va nous proposer. Donc, place à la flûte. C'était-tu Cyril Rictus, son nom en anglais, dans... Carlos. Le voici dans la forêt des sapins verts, calme, paisible et sereine. Enfin, jusqu'au réveil de Benoît Laveur. Heureusement, il a des amis fidèles qui l'aident toujours à se tirer d'embarras. La vie serait si simple à la forêt des sapins verts si ce n'était de Cyril Rictus. Et sa vie et lui serait aussi beaucoup plus simple si ce n'était des amis ratons.